Cadeau de Noël par Daniel Le Sueur. Qu'elle était mélancolique en cette matinée du 24 décembre à la place verte à Valenciennes. Nulle part, peut-être, la lente vie provinciale ne respire d'un souffle plus assoupi quand cette vaste esplanade, qui d'un côté se perd là où finit la ville, ailleurs se bute au chevet d'une église dont l'invisible façade s'ouvre autre part parmi le dédale des rues. Elle n'est ni un centre, ni un passage, et aucun mouvement ne la traverse. Au milieu, dans un encadrement circulaire d'arbres grêles, une colonne de bronze jaillit d'un tertre de gazon, portant là-haut, dans le pâle ciel de Flandre, une figure ailée et guerrière, qui décerne une couronne à des héros inconnus. Et ceci rappelle que Valenciennes est une cité de lutte, dressée au bord des frontières incertaines, qui plus d'une fois saigna sous les assauts. Toutefois, cette nostalgique place verte se borde d'une rangée de demeures, où, si invraisemblable que cela soit, des êtres humains se plaisent, car ils n'ont aucune autre raison d'y avoir élu domicile. Petites maisons toutes pareilles, comme les couvents d'un béguinage, sans boutique ni industrie. Asile de modestes rentiers. Deux étages, une façade morne, comme une physionomie de recluse, sous le capuce en ardoise du toit. Une étroite porte, dont le marteau de cuivre reluit, plus souvent effleuré par le torchon de la servante que par la main du visiteur impatient. En cette veille de Noël, le décor s'attristait d'un léger frottis de neige et de la pesanteur d'un ciel bas, opaque, jaunâtre, d'où tombait une lumière de limbe. Une jeune fille, assise dans une des petites maisons à l'embrasure d'une croisée, le regard perdu au vide de la place, réfléchissait, une lettre entre les doigts. 20 ans peut-être. Il ne lui manquait, pour être joli, qu'un peu de bonheur ou de fierté. Mais, sur son délicat visage de blonde, sur ses épaules faciles à courber, l'ombre trop profonde de l'existence effaçait, engourdissait tout. Le long du grand chemin de la destinée, cette gentille créature n'était pas née du côté du soleil. Un coup frappé à la porte fit tressaillir Aline. Familièrement, sans attendre son ordre, la servante pénétra dans la pièce, avec une attention particulière. Le regard de la jeune fille alla de la lettre ouverte à cette femme. Les traits rudes, la physionomie paysanne, le teint cuit au soleil, jadis, dans le dur travail du démariage des betteraves, qui tient courbé, brisant les reins, des journées entières, sur les sillons, dorés cheveux noirs striés de fil blanc, sous la petite coiffe plate, la courte taille épaissie par les fronces de la jupe, les mains rouges et crevassées, tous ces traits prenaient pour Aline une expression singulière. Cependant, la bonne s'exclamait. « Vous avez fait votre lit, mademoiselle ?» L'intonation de stupeur désolée, la douceur chaude et humble de la voix, corrigeaient la vulgarité de l'accent, l'ignorance du parler à la troisième personne. « Mais oui, Gervaise, pourquoi pas? Vous avez plus de besogne aujourd'hui, et je le fais bien à la maison. » C'est pas la même chose. Ici, vous êtes chez nous, chevauchante à la mode de Bretagne que je veux dire. Vous êtes l'invité. C'est pour votre repos et votre plaisir que vous êtes venu, n'est-ce pas? Faut nous laisser faire, mademoiselle Aline. Nous laissez-vous dorloter un peu. Tout en parlant, Gervaise allait et venait par la chambre, s'évertuant à trouver quelques traces de poussière qu'elle pût essuyer, quelque objet hors de sa place qu'elle pût remettre en ordre. Mais sur sa dernière phrase, un remords l'a pris. Faut m'excuser si je dis nous, comme quasi la maison de votre tante soyez un peu la mienne. Il y a si longtemps que je suis auprès de la chère dame, et c'est elle-même qui me donne des habitudes comme ça, d'être trop familière. Ça ne vous fâche pas au moins, mademoiselle Aline. La jeune fille secoua la tête. Allons, ajouta la servante, c'est pas la peine que j'ai l'air de bricoler quelque chose ici. Vous avez tout rangé comme un ange. C'est vrai aussi que je viens en retard. Mais fallait que madame ait tout bien tout beau sur elle et autour pour sa veille de Noël. Et la pauvre chère âme peut pas céder toute seule. C'est moi qui devrais me faire des reproches, dit Aline. Ne serait-ce pas mon devoir de soigner ma tante paralysée, de la soigner vraiment? Elle s'interrompit, la voix troublée, tandis que Gervaise se campait devant elle, riant d'un bon rire, les poings aux hanches. « Voilà donc pourquoi vous agitez l'abîme, mademoiselle. Mais vous n'y pensez pas. Votre devoir est d'être mignonne et bravette. et de mettre de la gaieté autour de votre pauvre tante, et de le lire tout haut dans les livres et sur le journal, comme vous y faites, et de lui donner, pendant que vous êtes ici, toutes les satisfactions que moi, vieille bête ignorante, j'ai pas dans mes moyens. Mais pour ce qui est des manigances de soins que demande une malade, qui n'a remué pied ni patte depuis des années, c'est pas l'affaire d'une gentille demoiselle comme vous, c'est bon pour moi, qui suis la servante. Et puis ça me connaît, il faut un peu de poigne. Les malades, c'est comme les enfants, on ne doit pas céder à leur gênerie. Vous seriez tout éberlué quand elle vous rabroirait un peu. Vous auriez des mots, des pleurs, faut pas. Faut que la chère dame vous ait que pour sa joie, qu'elle vous voie que comme sa bonne petite fée, vrai petit rayon de soleil que vous êtes. Le rayon de soleil. Il irradiait moins de la jeune figure soucieuse que de la face rustique, fendiée de rides comme une argile trop sèche, au creux de laquelle une rosée céleste hormit ses deux petites flaques de tendre lumière qu'étaient les yeux. « Je vais lui préparer son chocolat, hein, madame. Mais c'est vous qui le porterez, mademoiselle Laline. Ça lui réchauffera son vieux cœur. Elle vous a déjà tout en grâce. » Gervaise partie, Aline reprit la lettre de sa mère. Elle la relut. Certaines phrases retenaient longtemps son regard. « Comprends bien, ma chérie, pourquoi nous te refusons de venir passer cette journée de Noël auprès de nous. C'est la première fois, dis-tu, depuis que tu es au monde. En effet, et nous en souffrons autant que toi. Mais tu sais pourquoi nous t'avons envoyé auprès de notre cousine. Si tu la quittes, précisément le jour où la solitude pèse le plus à ceux qui n'ont que des souvenirs, ne t'en voudra-t-elle pas? Ne nous donne pas à croire que tu ne t'es pas encore rendu indispensable. Songe à cette fortune qui est la sienne, qu'elle ne dépense pas, et qui s'accumule. Pour qui? Pour une roublarde domestique, peut-être. Pour cette paysanne madrée qui monte la garde autour de la tente et qui est plus maîtresse dans la place, m'a-t-on dit, que la maîtresse elle-même. Comment est-elle, cette Gervaise? Tu ne nous en parles pas. Te sens-tu de force à lutter contre elle? Notre cousine est-elle avertie que cette femme nourrit toute une parentèle louche? Est-ce seulement avec ses gages? Les Vauriens attendent l'héritage de sa bonne dame. Et qui sait s'ils le laisseront venir naturellement? Ton devoir, cher enfant, autant que ton intérêt, est de ne pas quitter ta tante un seul jour, surtout le jour de Noël. La Gervaise exploiterait sans faute un dépit ou un attendrissement de malade. Sois la plus adroite des deux, Liline. Conquiert ta tante, ou bien résigne-toi, ma pauvre petite, à travailler pour vivre, à perdre, avec tout espoir de dot, tout espoir de mariage. Belle chocolat, mademoiselle Aline. Sur le petit plateau d'argent, la tasse fumée, délicieusement odorante, à côté des brioches dorées. Portez-le vous-même, Gervaise, puisque vous l'avez fait. Oh que non, madame le trouvera meilleur de vos jolies mains. Dites-moi, Gervaise. Quoi donc, mademoiselle Aline? Est-ce vrai que vous envoyez votre argent chez vous, au pays? La bonne figure rougeaude ne pouvait se colorer davantage, sauf par les yeux qui s'assombrirent et s'humectèrent. Dame, il y a mes vieux qui ne peuvent plus travailler, et les ptios, les enfants, mon défunt frère, qui ne le peuvent pas encore. Donnez-moi le plateau, Gervaise, et ouvrez-moi la porte. Je vais servir à ma tante son chocolat. Dans la pièce voisine, une femme âgée, très pâle mais souriante, au fond d'un immense fauteuil, est tout enveloppée de châle. Sa vieille tête, bien coiffée, a presque une grâce de coquetterie, et le bon ordre autour d'elle atteste la sollicitude des soins. « Liline, bien donc, c'est à mourir de rire. César et Pompée sont encore aux prises. » César, le chardonneret en cage, pique de furieux coups de bec les pattes de Pompée, le moineau libre, qui se cramponne à ses barreaux pour essayer de l'atteindre et de lui arracher quelques plumes. Pompée lève une patte, puis l'autre, s'envole, et tout à coup, sournoisement, voyant l'autre en boule près du grillage, revient lui laper dans le vif un brin de duvet. « Sont-ils drôles ?» s'écrie la paralytique. « Dire que voilà la vie, tout de même. Ah, je ne regrette guère de ne plus en faire partie. » Elle est sincère. L'engourdissement de ses membres enchaîne sa pensée. Elle s'imagine rejetée elle-même dans l'actif tourbillon, non pas avec l'agilité d'un organisme sain, mais épave désemparée, telle que la maladie l'a faite, et cette idée l'épouvante. Le calme de sa petite maison, les chatteries de Gervaise, les querelles de ces oiseaux. C'est la forme que prend le bonheur pour celles dont les jambes sont mortes. Le cœur s'est adapté, ne sait plus qu'il est des ailleurs, et les lointains du monde se bornent à la place verte, que les saisons brodent de verdure ou tapis de neige, voiles de brouillard ou désolent de poussière, et où l'allure d'un passant met de l'imprévu, de la curiosité pour tout un jour. Tante, j'ai reçu une lettre de maman. Bien, ma petite, elle nous souhaite un bon Noël, je pense. Réflexion sans chaleur, comme si la correspondante habitait la planète Mars. L'univers a tout juste la mesure de nos préoccupations. Mes parents, dit Aline, d'une voix un peu tremblante, ont de la peine à se passer de moi. On te rappelle ? Demande la vieille dame, sans marquer autrement de surprise. Pas précisément, mais excusez-moi, tante, il me semble que ma place est auprès d'eux, surtout en ces jours de fête. Parbleu ! La place d'une jeune fille est dans tout endroit plus gaie qu'ici. Tu devais te lasser d'une compagnie aussi fastidieuse que la mienne. » L'infirme est vexée, mais non triste. Sa lente sensibilité n'a pas eu le temps encore de transformer en un besoin la présence de sa nièce. « Ne croyez pas cela, chère tante, seulement. Oh, pas de raison, tu es libre. Mais tu sais, ma petite, tant pis pour toi. Je n'ai pas longtemps à vivre. Plus tard, tu n'aurais pas regretté d'avoir supporté près de moi un peu d'ennui. » De l'ennui. La rêveuse Aline ne s'ennuyait pas dans la douce maison de silence où étaient de petits soins. Au contraire, la lutte pour la vie l'effraie. Mais mieux vaut l'affronter 100 fois. « Comme tu voudras, » conclut la tante. « Je me suis passé de toi jusqu'à l'automne dernier. Je m'en passerai bien encore. N'est-ce pas, ma bonne Gervaise ?» La servante venait d'entrer. Elle eut un cri sincère. « Mademoiselle s'en va. Je n'ai pas su faire qu'elle se plaise assez. » « Je vous dois pourtant beaucoup, Gervaise. Plus que vous ne croyez, plus que jamais vous ne me devrez vous-même. » Et c'était vrai. Elle partait riche, la délicate fille, plus riche que de l'héritage convoité, dont la plus grande part irait, suivant toute justice, à la véritable ayant droit. Le trésor se trouvait en elle-même. Énergie, loyauté, dignité secrète, sérénité imprévue, qui, par le reflet, lui mettait enfin la beauté sur le front, dans les yeux et à ses lèvres souriantes. « Tu as pourtant une figure d'héritière ?» s'écria sa mère, que déconcerta son retour. « Je n'en ai que la figure, » dit Aline, en secouant sa tête radieuse. « Mais sois tranquille, maman. Mon cadeau de Noël vaut mieux qu'une fortune. J'ai joué à qui perd gagne. Je connais maintenant la joie de la décision courageuse, et je n'ai plus peur de la vie. » C'était « Cadeau de Noël » par Daniel Le Sueur.